personne ne dit rien. Et tu consommes de l'eau en bouteille ou bien robinet, tu sais qu'elle est polluée. Et tout ce que tu manges, tout ce que tu bois est rempli d'additifs et d'OGM. Ah mais pourquoi? Personne ne dit rien, tout le monde le sait. On ferme les yeux, on fait semblant d'oublier les vérités cachées, les dangers ignorés. Personne ne dit rien, mais tout le monde le sait. Ton fils est sous traitement, il est hyperactif. Les boissons sucrées, les écrans, c'est massif. Les causes sont multiples, les solutions tardent, mais personne ne parle, on garde le silence. On garde le silence, personne ne dit rien, tout le monde se tait. On ferme les yeux, on fait semblant d'oublier les vérités cachées, les dangers ignorés. Personne ne dit rien, mais tout le monde le sait. Les aliments transformés, les produits raffinés envahissent nos vies, c'est devenu tragique. Engrais chimiques, fongicides, pesticides, herbicides. On continue de consommer sans se poser de questions. Mais au fond de nous, on sait qu'il y a des raisons. Ah, personne ne dit rien, tout le monde se tait. On ferme les yeux, on fait semblant d'oublier les vérités cachées, les dangers ignorés. Personne ne dit rien, mais tout le monde le sait. Ah, tout le monde le sait. Les forêts disparaissent, les océans se meurent. Les plantes souffrent, on ignore sa douleur. Les espèces s'éteignent, les glaciers fondent. Personne ne dit rien, mais tout le monde gronde. Personne ne dit rien, tout le monde se tait. On ferme les yeux, on fait semblant d'oublier la vérité cachée, les dangers ignorés. Personne ne dit rien, tout le monde se tait. Et tout le monde le sait, bordel. Les scientifiques alertent, mais qui les écoute? Les gouvernements promettent, mais rien ne bouge. On continue de vivre dans cette illusion. Personne ne dit rien, mais tout le monde le sait. Personne ne dit rien, mais tout le monde se tait. On ferme les yeux, on fait semblant d'oublier la vérité cachée, les dangers ignorés. Personne ne dit rien, mais tout le monde le sait. Le sucre caché, les aliments vides, les sources de nourriture pauvres en nutriments, les produits raffinés, les additifs alimentaires, tout cela nous empoisonne, mais on continue de se taire. On continue de se taire. Il est temps de parler, de briser le silence, de chercher la vérité, de faire la différence. Ensemble, nous pouvons changer le destin. Personne ne dit rien, mais il est temps de parler enfin. Personne ne dit rien, tout le monde se tait. On ferme les yeux, on fait semblant d'oublier les vérités cachées, les dangers ignorés. Personne ne dit rien. Et tout le monde se tait, tout le monde le sait. Et pourquoi on n'enterre plus les morts? Hein? Ils ne se décomposent plus. C'est une triste, c'est un triste sort, bordel. Les produits chimiques, les préserves, c'est effrayant. Et personne ne dit rien, mais tout le monde le sait, c'est évident. Ah.